7. A. Tu t'appelles comment? C'est un croissant. Le départ est à quelle heure? C'est ça la France. Je m'appelle Éric Marchand. Un petit café, monsieur? Vous êtes française? Il habite Rome. Moi, c'est Pierre. Pierre Lacan. La Suisse est un pays francophone ?